Ici Maxime Gauthier. Aujourd'hui, l'histoire des rébellions patriotes de 1837-1838. On a des munitions. Puis des fusils tout neufs. Ah oui? De qui? Des Américains. Des Américains. Cette fois, c'est un rattrapeau de notre coupe. On va l'avoir à notre patrie, à nous autres. Une patrie qui sera promenée par une reine. C'est une démocratie qu'il nous faut. Une vraie démocratie. Oh, petit garçon. Extrait du film « Quand je serai parti, vous vivrez encore », drame historique réalisé en 1999 par Michel Brault. On connaît la suite, évidemment. Soulèvement, répression, pendaison, exil. Il s'est dit, il s'est écrit bien des choses sur les patriotes dont on vient à peine de souligner la mémoire. Une journée qui, selon le communiqué officiel en 2002, disait, et je cite, « vise à souligner l'importance de la lutte des patriotes de 1837-1838 pour la reconnaissance de leur nation, pour sa liberté politique et pour l'établissement d'un gouvernement démocratique. » L'histoire des patriotes, c'est aussi celle des figures marquantes de l'époque, Papineau, Delorimier, Chénier, Durham, des noms de lieux, de batailles, de villages, un récit maintes fois raconté qui a marqué l'imaginaire collectif. Québec 1837, territoire occupé. Les patriotes s'arment pour commencer la lutte de libération. À Saint-Denis, première et unique victoire, l'armée anglaise subit un revers momentané, mais se ressaisit bientôt pour enfoncer les rangs patriotes à Saint-Charles et écraser sauvagement la résistance à Saint-Eustache. Du 16 novembre 1837 au 1er juin 1838, 495 personnes emprisonnées à Montréal. Le 1er juin, 145 patriotes sont toujours en prison. Lord Durham propose un marché à 8 chefs patriotes emprisonnés. Ils seront exilés aux Bermudes et les autres seront libérés. Les 8 acceptent. 4 novembre 1938, proclamation de la loi martiale, plus de 800 personnes arrêtées, 108 traduites en cour, 9 acquittées, les 99 autres sont condamnés à mort, 12 seront exécutés, 27 libérés sous caution, 2 bannis et 58 exilés en Australie. Aubert Palacio, Hélène Loisel récitant un texte sur les événements de 1837-1838. C'est tiré d'un disque qui s'appelle « Poèmes et chants de résistance » paru en 1971. Alors, on l'entend dans l'extrait. Répression, soulèvement qui a été très, très dur. Qu'est-ce qui a mené à ces événements? Qu'est-ce qui fait qu'un petit groupe mal armé à l'époque, sans aucune expérience militaire, ait décidé d'affronter la plus puissante armée de la planète à l'époque, évidemment l'Empire britannique? Alors, pour en parler avec moi, Gilles Laporte, historien, auteur de « La brève histoire des patriotes » paru en 2015 aux éditions du Septentrion. Bonjour. Bonjour. Parlons du contexte à l'époque. Ça ressemblait à quoi? La vie dans le Bas-Canada, à cette époque-là. En fait, c'est un faisceau de crise. Hein? Les historiens discutent à propos de l'origine. Était-ce social, une lutte entre riches et pauvres? Était-ce politique, hein? Une lutte entre oligarques et démocrates? Ou est-ce ethnique, c'est-à-dire une lutte entre francophones et anglophones? En fait, c'est un peu tout ça. Pour expliquer l'explosion de 1837, on a besoin de chacun de ces faisceaux d'explications. Sauf qu'il faut les présenter dans l'ordre. Dès la conquête de 1760, on assiste à une rupture sociale profonde qui va ne faire que s'accroître. De riches marchands installés à Québec et à Montréal monopolisent le commerce impérial, tandis qu'un peuple de plus en plus coupé du monde reste dans le monde rural, appauvri, de plus en plus autosuffisant et coupé du monde. Cette crise-là va se doubler progressivement d'une crise politique à partir de l'acquisition des institutions parlementaires en 1791. Un parlement élu, mais sans pouvoir, qui présente doléances après doléances, qui sont de moins en moins écoutées. Cette crise sociale, devenue crise politique, se mue enfin en une crise ethnique au moment des affrontements, alors qu'on constate, notamment lors de la répression, que ce sont essentiellement les francophones qui sont touchés par la répression et que ce groupe-là va se voir disqualifié pour un siècle ensuite. Oui. Donc au départ, c'est pas une crise, c'est pas un affrontement racial ou linguistique, là. C'est ça. Ça l'est demeuré dans les mémoires, généralement, mm-hmm. parce que c'est sur ce que le rideau tombe. Lorsque le rideau tombe sur les pendaisons, le rapport de Rame, l'acte d'union, on reste sur cette impression amère, âcre, que la l'affrontement fut ethnique. À la base, il ne l'est pas du tout. On rappellera, pour mémoire, le rôle des anglophones au sein du mouvement patriote. Les idées qui y sont diffusées sont les mêmes qu'on retrouve en Ontario de l'époque, aux États-Unis, bien sûr, en Amérique latine, en Europe. Donc, nullement à aucun égard ethnique, sauf que ça va progressivement prendre cette teinte-là lors des affrontements, l'acrimonie. Un peu comme n'importe quelle crise en histoire, on constate qu'il y a généralement une accélération, une radicalisation, et que ça prend généralement une tournure triviale, plus directe, plus fondamentale, plus viscérale, dirais-je. Et lorsqu'on reste sur cette impression-là, ben, par la suite, hein, les récits qu'on va remémorer de ces événements-là ne remémorent que le dernier épisode, celui de la répression des Canadiens français et du rapport de Rame qui recommande leur assimilation. Oui. Donc, vous le disiez, à l'époque, hein, avant les rébellions, une société qui est coupée en deux avec les riches marchands anglophones, une population canadienne-française qui vit en autarcie, qui est très, très pauvre. Qu'est-ce qui met le feu aux poudres en 1837? Qu'est-ce qui fait que, voilà, ça éclate et on en vient à l'affrontement armé, aux rébellions comme telles? Donc, rappelons qu'il y a eu une lutte parlementaire démocratique, libérale, pacifique, bien sûr, par définition, qui a été menée, notamment par Louis-Joseph Papineau, dès 1815. Il se hisse à la tête du Parti patriote. Donc, c'est d'abord et avant tout un parti démocratiquement élu qui présente des doléances qui sont fondamentales, qui concernent, par exemple, le droit des élus à contrôler le budget, le droit des élus à accéder aux postes exécutifs, qu'on appellerait aujourd'hui les ministres, le droit des élus aussi à contrôler les dépenses de l'administration publique, toutes des choses qu'on trouve évidentes. J'ajouterais la liberté d'expression ou tout simplement le droit de faire des représentations. Donc, ces droits-là sont réclamés, ne sont pas obtenus et le ton monte tout naturellement. Ça devient des affrontements personnels, par exemple, contre un tel gouverneur, le gouverneur Craig d'Alousie, ont laissé dans leur sillage un souvenir amer parce qu'ils ont dit non au peuple qui réclamait des droits, etc. Et ça prend une tournure de plus en plus qui n'est pas sans rappeler le contexte de la Révolution américaine de 1776. Alors d'ailleurs, les patriotes s'inspirent de plus en plus des moyens, de la rhétorique. On le voit par exemple dans les moyens qu'ils brandissent, par exemple le boycottage tel qu'entrepris par les révolutionnaires américains. Même le terme de 92 résolutions est tiré d'une pétition de la Pennsylvanie au 18e siècle. Même expression « fils de la liberté » vient de « Sons of Liberty » du Massachusetts. Peu importe. Donc, ça finit par prendre cette allure-là et d'aucuns voient les analogies se présenter. Alors, ça connaît vraiment son moment d'accélération en mars 1837, lorsque la Grande-Bretagne, par la voie des 10 résolutions de John Russell, impose un non catégorique à peu près l'ensemble des revendications patriotes. On peut dater ce moment-là, le passage du politique vers le militaire. À partir de cette date, les moyens démocratiques, les pétitions, les amendes honorables et les représentations cessent au profit davantage de manifestations publiques, de désordres sociaux qui vont nous mener tranquillement à l'automne à l'affrontement armé. L'affrontement armé, donc, il y aurait pression. Dès ce moment-là, l'armée britannique veut écraser le mouvement. En fait, il y aurait eu, même auparavant, provocation. C'est-à-dire que très tôt dans l'été 1837, le gouvernement britannique interdit la tenue d'assemblée populaire, ce qui a tendance à fouetter l'ardeur des troupes, comme vous vous en doutez. Oui. Donc, les historiens discutent à propos du fait que cette rébellion-là aurait peut-être été déclenchée à dessein par les autorités britanniques pour pouvoir disqualifier ce mouvement, mettre ses chefs hors la loi et ainsi pouvoir plus facilement le réprimer. Parce qu'auparavant, le Parti patriote remportait élection après élection. Lors des dernières élections démocratiques, celles de octobre 1834, le Parti patriote remporte 90 % des sièges. Le 88 sièges sur 90, qui fait en sorte qu'il a la plénitude du pouvoir démocratique. Le reste, à le disqualifier par une provocation armée. Cette provocation-là semble avoir de l'effet, puisque le 16 novembre 1837, le gouvernement britannique met purement et simplement à prix la tête de 26 chefs patriotes, dont Louis-Joseph Papineau, qui n'avait pas commis le moindre crime, mais simplement qu'on appelle ça simplement une trahison. On constate qu'ils ont trahi la couronne par leur participation à des assemblées qui étaient interdites. Alors, dès lors, le mouvement doit choisir entre l'abdication et la résistance. Bon nombre vont choisir la résistance. Et l'exil, entre autres, aux États-Unis, momentané. Hein, ils vont aller là-bas, une espèce de base arrière. On parle généralement des rébellions. Hein. Il y a deux rébellions, celle de 1837, et par la suite, il y a tout le contexte qui va mener aux rébellions de 1838. Encore une fois, on tente de revenir à la charge, mieux armé, Mais ça fonctionne pas du tout, là. Effectivement, si la rébellion de novembre 1837 peut se résumer à une résistance aux arrestations, celle ordonnée par le gouvernement britannique, donc un peu désordonnée sous la, à l'aune de la fuite et de la résistance dérisoire, celle de 1838, en tout cas, est beaucoup plus ambitieuse. Elle vise ni plus ni moins qu'à envahir le territoire de l'Amérique du Nord britannique à partir des États-Unis, qui sont effectivement de base arrière, avec armes et bagages, en soulevant le Bas-Canada à grandeur pour que l'armée ne sache pas à quel saint se vouer. Pendant ce temps, une armée marcherait sur Napierville, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montréal, le temps, avec l'hiver, d'organiser le gouvernement provisoire du Bas-Canada. Bon, un plan ambitieux. Un beau plan, oui, sur beau papier. Beau plan, effectivement, oui. Mais qui, au bout d'à peine 10 jours, s'effondre, notamment les problèmes de mobilisation, d'équipement. L'intendance ne suit pas, les armes ne sont pas au rendez-vous. L'armée, effectivement, est beaucoup mieux préparée en 38 qu'en 37. Il y a près de 10 000 hommes sur le territoire du Bas-Canada pour épauler le général en chef John Colborne, si bien que héroïque, la résistance est dérisoire. Deux batailles, celle de La Colle, notamment, le 6 novembre, et Odelton, le 9 novembre, mettent fin à l'affaire. Les troupes sont dispersées, et là, par contre, ça bat une répression particulièrement sévère. Puisqu'on parle de récidive, on va donc ériger des procès de cour martiale, donc des procès militaires, donc sans le droit de convoquer des témoins ou un avocat. C'est un comité militaire qui statue. Effectivement, là, on va atteindre les 800 arrestations et on va maintenant se mettre à pendre des gens, menant éventuellement à leur exil, etc. Mais là, en plus, si vous me permettez, s'ajoute un autre type de répression qui, là, va être politique. Là, on abolit carrément le Parlement du Bas-Canada. C'est la loi martiale qui s'impose pour 3 ans. Donc, on enlève la liberté qu'on avait donnée un peu auparavant. Y compris celle de, la, par exemple, l'immunité parlementaire. Il n'y a pas moins de 13 députés qui sont arrêtés. Donc, le Parlement ne siège plus. C'est littéralement un comité militaire. Il va falloir attendre l'Union de 1840 pour qu'on voit réapparaître un semblant de gouvernement démocratique. Mais c'est dans un tout nouveau cadre politique qui intègre maintenant le Bas-Canada et le Haut-Canada dans ce qui va éventuellement devenir le Canada. Vous avez évoqué ces noms de villages qui sont presque devenus mythiques quand on parle des rébellions des patriotes, Saint-Denis, Saint-Eustache, avec l'église qui a été bombardée à l'époque. On a l'impression que c'est un mouvement rural. En tout cas, c'est ce que nous dit le chanoine Lionel Groux. C'était au micro de CKC en 1950. On va l'écouter, puis vous me direz ce que vous en pensez. Une première constatation nous arrête, et c'est d'avoir affaire à un phénomène rural. Le soulèvement de 1837, tout comme celui de 38, n'éclate pas dans les villes, terrain propice au bouillon révolutionnaire, par la fermentation facile des esprits dans les populations plus denses, ils éclatent dans les campagnes et ils n'en sortent point. Sans doute, les agitateurs y ont-ils été pour quelque chose, et pouvons-nous les suivre à la trace? La région de Québec n'a guère bougé. La scission du parti de Papineau vers 1834, il a attiédi les esprits, scission par trop tranchée entre l'équipe montréalaise et la québécoise. En revanche, pensera-t-on, la surexcitation de la grasse vallée du Richelieu et de la région des Deux-Montagnes n'a rien qui étonne. Saint-Denis, Saint-Charles, Saint-Eustache, lieu choisi depuis 20 ans des rassemblements patriotiques et des ardentes mêlées électorales. Voilà, la surexcitation de la grasse vallée du Richelieu, comme il le dit. Est-ce que c'est effectivement un mouvement rural qui peine à gagner la ville? Non. Non? Mais d'abord, pourquoi l'abbé Groux dit ça? C'est bien sûr pour minimiser le rôle des anglophones dans le mouvement patriote. Pour lui, là, l'agitation révolutionnaire, c'est les syndicats irlandais, c'est les voyageurs, c'est des gens qui amènent avec eux des idéaux venant d'Europe, des idées libérales et sulfureuses. Ce que Groux veut voir dans ses rébellions, c'est la résistance de son peuple catholique et canadien-français. Alors, il surévalue le poids du monde rural, qui est néanmoins essentiel. Sauf que ces rébellions-là, mouvement national, ont autant un pied en ville, autour de la maison de Papineau, qui est Montréal, à Québec, bien sûr, autour du Parlement, mais il est également rural. C'est un mouvement d'essence nationale qui vise à prendre conscience de nos particularités régionales, mais autour d'un projet national. Bien sûr que tout cela est inégalement réparti sur le territoire. L'abbé Groux a raison de dire que c'est pour l'essentiel dans le district de Montréal. Mais on sait maintenant que le mouvement patriote avait de profondes racines au sud de Québec, dans la région de Bellechasse, en Mauricie, bien sûr également dans les Bois-Francs. Mais que effectivement, si on s'en tient aux batailles, ça s'est déroulé au sud de Montréal pour l'essentiel, mais pour une raison tactique et, dirais-je, militaire, c'est parce que ça offrait aux patriotes la base arrière américaine. Voilà, on peut sauver, puis le mouvement la frontière, était, ou, le mouvement patriote s'étendait effectivement de l'Outaouais jusqu'à la Gaspésie. Mais en revanche, les événements militaires se concentrent surtout le long de la frontière américaine. C'est là qu'on retrouve les principaux témoignages de cette lutte-là, mais pour des raisons, disons, accidentelles et surtout tactiques. Vous avez évoqué Durham, hein, évidemment, un personnage très, très, très connu qui est dépêché ici pour observer la situation, faire un rapport. Il y a ce rapport de Durham qui va être déposé en 1839, où justement, bon, il y a cette phrase célèbre, hein, où il parle de ce peuple canadien-français sans histoire, sans littérature et presque sans avenir. Qu'est-ce qu'il dit au-delà de ça, ce rapport? Il est très instructif. J'invite quiconque à le lire. Très instructif. Pour une fois, on a quelqu'un qui nous dit le fond de sa pensée. Sa pensée, elle est simple. Il souhaite l'assimilation de ce peuple pour son bien. Il n'est ni raciste. Pour son bien. Pour son bien. Il considère que ce peuple-là, isolé, continue à agir comme un peuple qui ne se lie qu'à ses élites, ne suit que des mots d'ordre de ses chefs locaux, alors qu'il souhaiterait que ce peuple-là puisse s'intégrer à la civilisation britannique, donc se diviser. Parce que ce qui embête par-dessus tout les Britanniques et Durham le premier, c'est que ce peuple-là agit à l'unisson. Il est lié, notamment à l'époque, à Papineau et au Parti patriote, de manière presque ontologique. Durham souhaite rompre cette unité-là en y inscrivant des lignes de faille politique entre, par exemple, conservateurs et libéraux. C'est pour ça qu'il souhaite les intégrer à la civilisation britannique, dit-il, pour les en faire bénéficier, mais d'abord et avant tout pour que ce peuple-là puisse s'intégrer éventuellement à une Amérique du Nord britannique, où il pourrait contribuer, mais sans garder cet esprit de clan, cet esprit qu'il définit lui-même comme sectaire. Mm-hmm. Il se trompe lourdement sur l'avenir de cette communauté-là, mais il demeure que son invitation demeure forte. C'est pour ça que Durham demeure un témoignage pertinent toujours encore de nos jours, parce que les francophones d'Amérique et du Canada en particulier doivent constamment se demander si cela vaut la peine. Et son pari, c'est simple. Pourquoi ne pas abandonner? Vous y gagneriez, vous pourriez contribuer et vous-même, personnellement, vous enrichir dans tous les sens du terme en abandonnant cette forme de résistance culturelle qui vous nuit, finalement. Ouais. L'avenir lui a donné tort. Hein? La preuve en est, on parle français encore aujourd'hui, bien présent. Mais ce mouvement-là, il a marqué les esprits. Il a été, vous l'avez dit, durement réprimé avec les pendaisons, l'exil, également les arrestations des villages aussi qui ont subi les foudres des troupes britanniques à l'époque. Ce qu'on retient de tout ça, ou comment ça a marqué l'imaginaire collectif, on va écouter Hubert Aquin, écrivain, professeur, intellectuel bien connu dans les années 60, à l'émission Partage du jour 1965, qui analyse, lui, les troubles de 1837-1838. Il est interrogé par le journaliste Réginald Martel. C'est une défaite pas seulement technique, car je crois qu'il y avait un conditionnement psychologique et historique très fort, très grand, qui a précisément prédisposé les patriotes d'une façon assez peu propice, disons, au combat, à la lutte armée. Somme toute, quand ils se sont engagés dans la lutte armée, non seulement ils n'étaient pas prêts sur le plan technique, mais encore, ils n'étaient pas psychologiquement prêts. Pensez-vous que l'échec global de la révolution, de la rébellion de 37-38 a marqué par la suite et de façon définitive la conscience nationale du Bas-Canada? Moi, je suis enclin à le croire que, en fait, après 1837-38, il a fallu quand même qu'il se passe plus d'un siècle avant qu'on assiste à la résurgence d'événements de type révolutionnaire, donc en 1963. Cela veut dire que, somme toute, c'était bien enfoui et bien inhumé et enterré dans la conscience des Canadiens français. C'est que toute velléité révolutionnaire ou toute velléité de soulèvement était vraiment enterrée après cette défaite. Donc, ce qu'il dit en gros, hein, c'est que les Canadiens français se sont écrasés pendant plus d'un siècle par la suite. Est-ce que vous partagez cette analyse-là? Je note deux choses. D'abord, oui. L'emploi du mot « révolution », hein, qui est meilleur presse. oui. Pas que le mot surprend, mais d'abord, il est peut-être inexact, parce que toute chose étant égale, on assiste davantage à une guerre civile. C'est-à-dire qu'on présente les patriotes qui se battent. On les présente constamment se battre, mais l'adversaire, on ne le connaît pas. Or, il existe, il est tangible. Ce n'est pas que l'armée britannique, c'est également un pan de la population qui habite ici, qui est pour l'essentiel anglophone, mais qui a, elle aussi, un projet national à l'époque, qui est en fermentation, qui va devenir éventuellement l'Amérique du Nord britannique qu'on connaît. Mais donc, c'est un affrontement. Et ce n'est pas simplement un groupe, qui, d'ailleurs, M. Akin le concède lui-même, qui est psychologiquement non préparé. Mm-hmm. Donc, à la limite, lorsqu'on est pris, comment parler de révolution lorsqu'on n'y est pas psychologiquement préparé? Deuxième chose que je note, c'est on nous présente ça comme étant essentiellement un obstacle psychologique. Un siècle d'ensommeillement. Or, il y a eu des effets tangibles et concrets. Qu'on pense à l'Union, par exemple, qui venait minoriser ce groupe-là définitivement, le coupant littéralement de sa légitimité démocratique. Pensons, par exemple, à la révolution industrielle qui va suivre, qui va se faire complètement en leur absence, à leur corps défendant. Les Canadiens français vont plutôt gagner la route des usines américaines. L'Exode, par exemple, qui va suivre, le siècle suivant, près d'un million de Québécois qui vont quitter pour les États-Unis. Ce n'est pas que des obstacles psychologiques, là, c'est carrément des embûches à leur développement national. Alors, effectivement, au début du 20e siècle, ce peuple-là reprend tranquillement le contrôle. Mais c'est surtout, il va falloir attendre une réémergence d'une élite francophone. Mm-hmm. Ce qu'on avait effectivement décapité en 1837. L'élite intellectuelle et économique avait sans doute besoin de ce délai pour pouvoir émerger à nouveau au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et ce sont d'abord et avant tout des obstacles matériels et politiques qui leur manquait afin de réorganiser, en somme, un mouvement d'opposition qui ne prendra pas à nouveau la forme d'une révolution, tout juste tranquille. Ah oui, oui, oui. Mais qui, effectivement, a des analogies. Et on peut quand même saluer l'œuvre de Akin, qui est peut-être un des premiers à avoir vu le lien entre ce nationalisme des patriotes et la lutte qui va être entreprise par le peuple québécois au milieu du 20e siècle. Est-ce que ces événements, parce que j'en reviens à la proposition de départ, on entendait l'extrait de film en ouverture, où on évoquait la démocratie, hein, une possible démocratie. Est-ce que ces rébellions ont contribué à leur façon à accélérer les changements démocratiques? Oui et non. Et il ne faut pas oublier qu'ils ont d'abord perdu. Ils ont perdu, c'est-à-dire que oui. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas celui qu'ils souhaitaient. On entend parfois là, que nous devons ceci ou cela aux patriotes. C'est partiellement vrai. Ils ont contribué à faire avancer certains chantiers. Mais il faut se méfier lorsqu'on dit que le monde actuel est le résultat de leur lutte. Leur mouvement était bien sûr cherché à accroître le sentiment démocratique, les droits de la personne, c'est relativement acquis. Mais tout ce qui a trait, par exemple, à... Ne parlons simplement de république... Par exemple, qu'ils ont proclamé, on en est encore loin. De la même manière, bien sûr, un foyer national pour les francophones, on en est encore loin. Et donc, bien sûr, luttant hein, d'une manière indirecte à la conquête du gouvernement responsable, par exemple en 1848, ou à d'autres gains comme l'abolition de la peine de mort, la séparation de l'Église et de l'État. Mais même encore, si lorsqu'on regarde les revendications patriotes, elles sont si radicales, profondes et inspirantes qu'on a mal à y retrouver le monde actuel. Diriez-vous que dès le début, c'était une entreprise un peu folle qui était vouée à l'échec? C'est-à-dire que l'entreprise a été, il faut voir les conditions, ont-ils été provoqués, ont-ils été plongés dans la... C'est une question qui n'est pas anodine de se demander si la lutte armée fut délibérée ou si elle fut une manière de les disqualifier. J'aime à me rappeler davantage la longue et belle lutte politique qu'ils ont entrepris pendant plus de 40 ans, qui va les mener aux malheureuses rébellions de fait, mais qui d'abord et avant tout doit être vue pour ce qu'elle est, un mouvement démocratique voulant défendre les intérêts d'un peuple. Gilles Laporte, historien, auteur, entre autres, du livre « Brève histoire des patriotes » paru en 2015 aux éditions Septentrion. Merci beaucoup pour votre présence ici. Un plaisir. Aujourd'hui, l'histoire, j'aimerais remercier l'équipe derrière, évidemment, la recherche Caroline Morin, André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, site internet Mathieu Arsenault, à la technique Chantal Saint-Sauveur, réalisation Mathieu Beauchamp. Si vous avez envie de nous écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez toujours le faire sur le site internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou bien en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Maxime Coutier en remplacement de Jacques Beauchamp. Au plaisir, à une prochaine.